Tous ensemble, nous avons pris le midi-bus pour aller à la ferme de tonton. Arrivés là-bas, nous sommes d'abord allés voir les dindons et les canards. Puis les moutons en train de manger du foin. Les petits cochons se disputaient pour manger. Les vaches, les poneys. Les ânes se sont approchés de nous. Les lapins étaient dans leur cage. Nous sommes repartis dans le minibus.